rap. Pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze ou un malfaiteur, so big balta. T'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes. Pour nous c'est le rap, pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze ou un malfaiteur, so big balta. T'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes. Ayant 2h du mat, je me prépare avec un vieux camouflage. Une heure après, je suis seul tout sur l'autoroute avec mon flash. À peine sur la 6, vite faut agir au pas de cap. Putain, j'ai que 10 minutes chrono avant que les gyrofarmes cap. On vit dans une époque où je suis un peintre, mais pas Picasso. Je reproduis sur les murs ce que j'ai fait sur papier canson. Un peu de conso, un peu de conso. Pour trouver la nouvelle inspi, un petit split et datis. Pour repeindre ma ville en speed. Yeah. Dans ma tête pour se faire un blaze, le crime est rejeté. Je préfère chanter et me dédicacer avec du chrome argenté. Un monde graffé de partout. De nos jours, la terre est ainsi. Escasser l'auteur intensif. Posant sur l'autoroute assise. Tu peux trouver mon blaze dans les tromes et Paris Go. Je préfère m'investir dans le graphe que de trimer pour une co. J'ai écrit ce texte en moins de 5 minutes chrono. Le même créneau que pour un grave dans un endroit du type Crénios. Pour nous c'est le rap, pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze, malfaiteur, so big balta. Zart t'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes. Pour nous c'est le rap, pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze, malfaiteur, so big balta. Zart t'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes. T'attends quoi, dis-toi que chez Malfait y'a rien à dégras. Écoute ce qu'on dit au lieu de chercher les fautes d'orthographe. Nous, dans le rap, on laisse nos traces comme au marqueur, juste par le talent. Regarde bien, j'ai pas les gens barqués, ouais gros. Mon mur, c'est une page à 4, j'y parle de ma vie, des problèmes, des coups de jarnac. GTA, j'aime pas qu'on nous oublie, ou bien qu'on nous toille. Le rap, c'est sérieux, c'est pas un jeu, comme Toys R Us, au fait, j'oublie. Garde le mental, même en cas de panne. Mais la tête, droite ou gauche, y'aura toujours une carte postale. Gros, pour t'évader, dis pas dit qu'à la vie, malgré le poids de tes soucis qui pèsent sur tes clavicules. Et ouais, gros, le graphe, ce n'est pas du gribouillage. C'est tout un art de s'exprimer, ne le mets pas dans le brouillard. Sans déconner, moi je rappe, j'suis pas un tagueur fou, j'avoue. J'suis au graphe, c'est que le foot pour tagueur ou. Pour nous c'est le rap, pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze, malfaiteur, so big balta. Zart t'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes. Pour nous c'est le rap, pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze, malfaiteur, so big balta. Zart t'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes. Le gros graphe que j'ai fait, c'est sans scrupule sur ma chaise à l'école. Je me prenais pour une bombe avec une mentalité à la con. Dangereuse activité, certains jouent leur vie sur le périphérique. Et même s'ils essaient, dans les archives ne sont pas référés. Moi je squatte le rap français, underground comme un grave. Crade, appelle-moi Niagara, car je fais des rimes en cascade. Sous Big Balthazar en intégrale sur Graphologie. On a sorti GTA, on investit, on vit grave, c'est logique. Sans rentrer dans les détails, GTA c'est ma gueule trop. Moi je toille personne, même ceux qui pensent que je gueule trop. Mon tableau est en relief, y'a des grumeaux dans le pot de peinture. T'as vu la relève, elle passe du pinceau au goût de ceinture. Pour tout baiser gros, pour ton PC gros. En VPC, en achat volontaire gros. Explosif comme la nitro, dans les bails on est trop. À vouloir percer c'est comme Picrave, ouais Delitron. Pour nous c'est le rap, pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze, malfaiteur, so big balta. Zart t'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes. Pour nous c'est le rap, pour vous c'est le graphe. J'étais agro pour tout baiser comme les pornographes. Est-ce qu'un mikaze, malfaiteur, so big balta. Zart t'as pas le mental, toujours tricard dans les paragraphes.